One person is in the C'est peut-être lui qui a monté le compte. En premier, oui. En premier, c'est avec moi, Benzo. D'accord. Après, on va à la plaine avec Martha. Et après, on va au pillard. Mais par contre, les pillards, c'est pour moi parce que je ne sais plus. On y va à pied aussi. C'est combien de temps? D'ici, c'était autour de 40 minutes. Non, c'est pour ça aussi. Mais quelqu'un sait, il y a des gens. C'est bien, mais on téléphone parce que s'il y en a qui arrivent un petit peu, que je sache où te leur dire. Tu les envoies à Belgium, c'est Louise Michel, chez Ali. L'eau, on aurait pu la mettre aussi dans la voiture. Qui? Donc, on pourra venir les chercher. De toute façon, ouais, on verra. Je vais voir, je vais faire un appel. On va pas, il y en a plein. On va pas gaspiller. On verra. Je t'ai envoyé un SMS. Ah, d'accord. Bon, allez. Tu dis pas? Collaboration. Co-creation. So, take big groups and have them co-create tools, the tools that they need. So, like books and games.